vous êtes avec nous et l'équipe de Bric-à-Brac à idées. Et aujourd'hui, nous recevons l'association Le Refuge. Et nous avons beaucoup de monde autour de la table. Alors, je vais commencer par M. Franck Eza, qui est correspondant relais pour Le Refuge d'Avignon. Après, nous avons Bruno, qui est adhérent. Bonsoir. Et enfin, qui met son titre de Mister Élégance France au service du Refuge. Nous avons le délégué donc du Vaucluse, c'est ça, Bruno oui. Yves. Nous avons Tristan qui est hébergé en ce moment à l'association Le Refuge, qui nous parlera de son expérience. Bonjour Josie. Qui va nous parler d'un film. Nous avons Monique qui est aux manettes. Qui est à la commande. Alain qui nous parlera d'un livre. Et Monique, est-ce que tu peux, et Jean-Paul qui est observateur, scrutateur, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on a gagné aujourd'hui? Oui, voilà, alors je vous annonce qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner des places alors pour deux repas, buffet créole à volonté, plat et dessert à la carte. Donc pour cela, je vous invite à nous contacter dès la pub, dès qu'on met une pause musicale. Pour cela, vous devez faire le 04 90 40 16 90. Donc pour gagner ces deux places, ces deux buffets, ces deux repas offerts. Et vous avez également deux places à gagner au théâtre du Sablier à Orange, au 37 cours Aristide Briand, pour le spectacle de Jean-Roger Caussimon, chansons et autres textes. Voilà. Voilà, les repas, c'est buffet créole à volonté, plat à la carte et plat dessert à la carte aussi. Voilà, et ils sont très sympathiques, c'est des gens charmants. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter tout à l'heure Pendant les pauses musicales. Et donc, nous recevons donc Bruno Yves. Expliquez-nous un peu Le Refuge, où ça se trouve en Avignon, ce que c'est, si c'est une association en réseau, comment ça se passe? Alors, Le Refuge Avignon, c'est la délégation du Vaucluse qui appartient au réseau, enfin à l'Association Nationale Le Refuge, qui comporte 17 délégations en France, métropolitaine et territoire d'outre-mer, parce qu'on a une délégation à La Réunion aussi. Et sur Avignon, donc, nous avons une permanence qui est hébergée à la mairie Ouest, et un appartement relais où on reçoit et on héberge des jeunes qui ont subi une exclusion du fait de leur homophobie. Voilà. Enfin, du fait de leur homosexualité à cause de l'homophobie de la famille. Voilà. D'accord. Et donc, c'est une antenne à Avignon. C'est une délégation. C'est une délégation. Et le siège est où exactement? Alors, le siège national est à Montpellier. Puisque le président fondateur était de Montpellier et il y a une dizaine d'années, 13 ans exactement même, il a créé cette structure et puis ça a pris énormément d'ampleur parce qu'on est maintenant reconnu d'utilité publique avec des agréments avec plusieurs ministères, plusieurs structures nationales. Donc je pense que vraiment, il y en avait besoin. Il y en avait énormément besoin, oui. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de jeunes, même en 2016 et bientôt 2017, qui sont exclus de leur famille pour avoir fait leur coming out ou parce que les parents se sont rendus compte d'une orientation sexuelle qu'ils n'acceptaient pas. Entre 2014 et 2015, il y a eu plus de 35% chez nous d'appels pour fait d'homophobie. Apparemment, c'est quelque chose qui rentre pas dans, excusez-moi, je vous vois pas, qui ne rentre pas dans les mœurs, qui n'a pas évolué au niveau des mœurs, apparemment. Alors, ça a évolué, mais le refuge est de plus en plus connu, et donc les langues se délient, et puis la démarche est plus aisée. Ouais. Donc on a plus d'appels. Vous êtes victime de votre succès, on peut dire, c'est quelque part. On aimerait ne pas avoir de succès, ça voudrait dire qu'il n'y ait plus d'homophobie. Oui, tout à fait, ouais, ça veut dire que ce serait quelque chose qui rentrerait, comme on dit, dans les mœurs, et que c'est quelque chose qui ne se cacherait pas, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas honte des fois, au niveau de la famille, je parle. Au niveau de la famille, oui. Ouais, et même des voisins peut-être, aussi. Il y a tout. Ouais, les mentalités, bon, il y a encore du boulot. Bon, on va faire une petite pause et on continuera sur ce sujet. Fly FM vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Fly FM, le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. She's Miss Girl. m'attire mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Fly FM 89.9 et je rappelle que nous avons deux places à gagner pour le théâtre du Sablier. J'ai pas les dates, Claudie. C'est le 18-19-20 janvier. Et des repas, enfin des repas au break, zone industrielle Le Tronquet à Auchan. Et vous nous appelez au 04 90 40 16 90 actuellement. Pendant les pauses. Pendant les pauses musicales. Et vous aurez notre gentille Monique au téléphone qui vous répondra et qui prendra vos coordonnées. Gentil. Pour le vite le dire. Et qu'est-ce qui se passe? Elle prend les coordonnées et après ils viennent les chercher ou Ils donnent leur nom et moi je le dis aux personnes concernées. Voilà, on revient sur le refuge. Voilà, vas-y, je t'écoute. Eh bien le refuge, je crois qu'on était en train de parler que malheureusement il y a quand même une augmentation. Hein. Depuis 2014, je m'adresse à Bruno. Oui. C'est ça? Il y a toujours de l'augmentation et toujours apparemment les familles sont pas, enfin, ne veulent pas accepter cette situation, malgré l'évolution des mœurs sur certaines choses. Oui, ce que je disais, il y a plus de visibilité chez nous, donc la parole se délie un petit peu et donc les jeunes ont plus envie de le dire et ben, certaines familles ont moins envie de l'entendre. D'accord. Et ce refuge, là, ce centre qui est à Avignon, il y en a d'autres en France, oui. Vous acceptez, vous ne prenez que les majeurs, alors, à partir jeunes, de 18 ans. Des jeunes majeurs, oui, de 18 à 25 ans. Et on les reçoit, il y a une ligne d'urgence qui existe, qui reçoit des appels sur toute la France. Oui, je l'ai noté, vous pourrez la dire tout à l'heure. Oui. Je donnerai le numéro tout à l'heure. Donc à cette ligne d'urgence, il y a quelqu'un qui va répondre au téléphone et... Il va faire un entretien, on va dire préliminaire, d'un jeune qui est dans le besoin d'être accueilli ou d'être accompagné et qui va rediriger le jeune vers la région la plus proche, vers la délégation de la plus proche de son domicile. Moi, je voulais me poser une question. Oui. Comment ces jeunes font-ils pour vous connaître? Par quel biais vous connaissez-vous? Ben, il y a le numéro de la ligne d'urgence qui est connu. Bon, il y a des affiches un peu partout. Bon, j'ai vu, hier j'étais au commissariat de police d'Avignon, oui, pour autre chose, et on a vu une très grande affiche du refuge. qui était dans le hall. Ça c'est bien. Donc, ouais. Oui. Bon, vous en avez dans des lycées, vous en avez à la fac, vous en avez un peu partout. Il y a les campagnes d'affichage, il y a les campagnes de publicité qui se passent à la télévision aussi, dans les radios. Il y a le site Facebook, il y a le site du refuge. Bon, ça commence à être connu. Il y a tous les lieux festifs où il y a des jeunes, voilà. Où il y a des jeunes, où on a aussi le numéro de téléphone de la ligne d'urgence. Et quand on a un contact après avec un jeune, on le reçoit, on fait un entretien à vue, on va dire, et puis après on voit avec lui quel est le meilleur accompagnement. Il y en a certains, ils ne veulent simplement être accompagnés psychologiquement sans avoir besoin d'hébergement. On en a en ce moment 3 sur Avignon qu'on accompagne comme ça. Et après, vous en avez qui sont à la rue. Pas de toit et parfois pas de rien pour manger non plus. Et c'est très dangereux. Et c'est assez dangereux pour eux. Et bon, là, on a un appartement relais, donc sur Avignon, qui peut accueillir 4 personnes. Voilà. Et 4. On va faire une petite pause et on reprendra là-dessus. Tout de suite, plongez au cœur de plus de 40 minutes de hit. 40 minutes de hit sans pub. Renvoie immortel, je t'entends encore dire du haut des citadelles de notre empire. Que s'est-il passé de nos journées de lumière? Ne reste que des sur Play FM 89.9 avec l'association Le Refuge. Donc nous allons peut-être donner la parole à Tristan. Tristan, donc toi, tu, parce que bon, tu pourrais être mon petit-fils. Oui. J'ai pas honte de le dire, je suis très très vieille. Elle a la canne, vous ne savez pas. Non, c'est le machin là. Bon. Donc Tristan, parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu as atterri à Avignon au refuge? Tout simplement, c'est qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai annoncé à mes parents comme quoi j'étais gay, ils m'ont dit de prendre mes affaires et de partir du domicile familial. Et du coup, ce que j'ai fait, Et depuis l'âge de 17 ans, je suis à droite, à gauche. Alors du coup, à un moment, j'en ai eu vraiment par-dessus la tête. Et j'ai décidé de contacter le refuge au numéro d'urgence. Et du coup, j'ai été contacté au numéro d'urgence. J'ai eu un entretien préliminaire avec une personne de Montpellier ou oui. Marseille, je ne sais plus. Qui est rentré en contact avec moi pour me demander enfin plein de questions. Le soir même, j'ai rencontré le délégué d'Avignon. C'était pour... pas Bruno. Non, c'est à ce moment-là. Non, c'était un autre. Oui, c'était Erwan. Après, mais du coup, j'ai eu l'entretien avec Erwan. Après, mais du coup, il fallait qu'il y ait une réunion entre les bénévoles et puis le délégué pour savoir si mon entrée pouvait se faire dans le refuge. Et le lendemain, j'ai signé mon contrat avec le refuge. Moi, j'ai une petite question. Donc, à 17 ans, tu t'es retrouvé dehors. Oui. Mais tu as contacté le refuge à quel âge ? J'ai 23 ans aujourd'hui. Donc, tu les as contactés à 23 ans ? Oui. Donc, de 17 à 23 ? J'ai vécu droite à la gauche. Oui, il a quand même, même tenu un restaurant, il m'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Oui, oui, parce que mon parcours professionnel et scolaire, c'est que j'ai commencé un pré-apprentissage à l'âge de 14 ans. J'ai demandé une dérogation au niveau du rectorat pour commencer un apprentissage. J'ai mon CAP cuisinier, mon CAP serveur. Après, j'ai mon diplôme maçon, couvreur, carreleur, électricien, plombier, mon brevet d'informaticien, mon PSC1 et mon sauveteur secouriste du travail. Et puis, à l'âge de 20 ans, ouais, j'ai tenu un restaurant. Voilà, donc, c'est un garçon plein de ressources. Au refuge, ils sont enchantés de l'avoir. Ah, tout à fait. Dans la rue, quand même. Oui, bien sûr. Tu n'as pas toujours été dans la rue. Non, je n'ai pas toujours été dans la rue, mais il y a eu des moments où j'avais pas de domicile et oui, j'étais. Et tu n'as plus de contact avec tes parents ? Depuis l'âge de 17 ans, non, parce que j'ai quand même essayé de reprendre contact avec eux. Non, ils veulent pas. C'est triste. Bon, moi, je voudrais demander à Jean-Charles, qui est correspondant relais, ce que c'est qu'un correspondant relais. On lui approche le micro. Le correspondant relais, j'essaye de partager les valeurs du refuge auprès des points d'information jeunesse, des mairies, des entreprises, l'histoire de... C'est possible d'avoir des dons pour le refuge. Voilà, parce que en ce moment, il y a le... Comment je pourrais dire... J'ai oublié, je m'excuse. C'est pas grave, voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Je crois que le refuge vit de 75% de dons. Voilà. Donc c'est quand même donc grande part importante. J'essaie de chercher à droite et à gauche des fonds. Voilà. Et auprès des instances, auprès des particuliers. Des particuliers, des entreprises, des mairies. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et vous êtes sur Sarrian ? Je suis sur Sarrian. Voilà, je vais sur Carpentras, sur Orange, sur un peu de partout pour diffuser, quoi. D'accord. Voilà. Bon, on va faire une petite pause et après on discutera avec Bruno Solari qui va nous dire pourquoi il s'est investi dans le refuge. Fly FM. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, wishing, floating down a wishing well. It's like I'm always causing problems, causing hell. I didn't mean to put you through this, I could. Sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. We'll be right back. Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air felt like my soul froze. Am I just overthinking feelings I can't? This gut feeling I'm trying to get off me as. Turn back the time to make it all alright. All alright for us. I promise to build a new world for us two. With you in the middle. Sur Abricabrac AED avec Claudie, Josie et les invités. Je vous rappelle les places à gagner pour un spectacle qui sera à Orange, un spectacle de Jean-Roger Cossimon à Orange. Et vous avez également deux repas à gagner au restaurant Le Break au Ponté. Je vous invite à nous appeler au 04 90 40 16 90 au moment de la pause musicale. Voilà, donc nous revenons avec le refuge. Je vais demander à Bruno Solari. Pourquoi il a adhéré au refuge ? Pourquoi le refuge ? Alors, pourquoi le refuge ? Tout simplement parce que, parce que je suis gay et que pour moi, il est né. Et suivant mon parcours, il est inacceptable que des gens soient exclus de leur famille à cause de leur sexualité. Parce que je suis adoptée et que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui acceptent et qui tolèrent. Donc, même si c'est dur à entendre, mais ils ont accepté et je trouve ça normal. Et après, je me disais aussi, comme je appartiens à une marque de concours de beauté, pourquoi pas mettre les concours de beauté dans cette association. Comment vous faites pour justement mettre votre titre et votre fonction? Alors j'essaye. On va dire que j'ai eu un emploi du temps assez chargé, donc. J'ai commencé à expliquer mes motivations, à avoir un entretien avec Erwan qui m'a présenté à l'équipe d'Avignon. Après, je les ai invités sur une de mes manifestations où ils ont eu des. Enfin, je remercie, ça a marché. Ils sont venus et ils ont eu un contact. Ils ont eu des contacts, donc voilà. Après, essayer d'avec mon cœur et l'association de faire en sorte de faire avancer les choses, avancer les choses eux-mêmes. Oui, de les faire connaître et de faire parce qu'ils méritent. Et après, moi, maintenant, je redeviens un petit peu disponible, un peu plus. En tout cas, je vais m'investir à fond et leur montrer que c'était pas ça permet aussi des actions de visibilité en partenariat, et on a participé c'était sur Mormoiron, participé à un jury de Miss Bon, c'était nouveau pour nous, mais ça nous a permis de rencontrer des personnes Bien sûr. D'avoir un bénévole. De plus. Vous êtes 13, hein, je crois, sur Avignon. On est 13 en ce moment sur Avignon, oui. Et qu'est-ce qui va se passer le 24 décembre? Je crois que vous allez faire au Ponté. Vous n'allez pas emballer des... Oui. Voilà. Alors, on a les opérations papier cadeau, comme beaucoup d'associations caritatives. Mmh. Donc, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre hein, pour tout nous. À fait. Donc, pour tout le monde. Pour tout le monde, mais surtout pour les associations. Ouais, les associations. Donc, les bénévoles et les jeunes, on va emballer des papiers cadeaux dans un magasin. Et en même temps, d'avoir aussi un contact avec des personnes qui nous posent des questions sur ce qu'on est. Bien sûr, c'est très intéressant. Voilà. Ouais. Mais on a un bon retour. Voilà. Toujours. Toujours, ouais. Avec la clientèle qui passe... Il n'y a pas eu d'acte homophobe. Ouais. Non. Tant mieux. En parlant de ça, justement, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles. On a, sur les 13 bénévoles qui sont actuellement sur Avignon, il y a à peu près tous les secteurs de professionnels, que ce soit de l'éducation, de l'art, des services sociaux. La fonction publique, moi j'en suis. Et ce qui nous manque, ce sont des bénévoles qui soient des travailleurs sociaux. Alors, soit des assistantes sociales, soit le milieu médical. Des psychologues. Ouais. Psychologues, on en a deux, le psychologue. On a des psychologues partenaires aussi qui fonctionnent, qui travaillent avec nos jeunes, qui les accueillent, qui les écoutent. Mais il nous manque infirmiers, médecins, qu'on a en partenaire, mais qu'on n'a pas en bénévole, et des travailleurs sociaux. On lance un appel. Voilà. On dira tout ça à la fin. Oui, on va récapituler. Voilà. Là, on va faire une pause, je pense, et après, vous nous direz où c'est qu'on peut vous joindre, surtout. Fly FM. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Under a silver moon, tropical temperature, I feel my lotus bloom. Come closer, I want your energy, I want your aura. You are my destiny, my mantra. Never knew I could see something so clearly looking through my third eye. Never knew karma could be so rewarding and bring me to your light. Maybe this is the beginning of something so magical tonight. Oh, take me down to the river underneath. sun. Say my name like a scripture. Keep my heart beating like a drum. Legendary voilà sur Fly FM 89.9. Donc on était toujours avec Bruno qui est le délégué départemental. Bruno, je crois que moi je voulais vous demander, est-ce que vous avez des permanences? Et on a un local où on reçoit à certains moments de les jeunes à la mairie ouest d'Avignon, et on a une permanence qui est ouverte à tout le monde le samedi matin de 9h30 à midi, toujours à la mairie ouest d'Avignon. Comment vous accompagnez ces jeunes? Alors on les accompagne de plusieurs façons. D'abord une aide psychologique avec une partenaire qui est psychologue. Une aide au niveau médical avec un partenaire bénévole qui est médecin. L'hébergement, bien entendu. L'aide alimentaire, on donc avec différents partenaires, et puis avec nos fonds propres de l'association pour qu'ils aient à manger. Et ensuite avec la mission locale. Pour les réinsérer au niveau professionnel. Donc, c'est important. Pour les aider à trouver des stages, déjà à faire une valorisation des acquis aussi, et puis leur permettre de trouver un emploi à un moment donné. Vous avez de bons résultats? On arrive à avoir des bons résultats, oui. Ou alors on les met sur la bonne voie. Oui, voilà. On en a certains qui ont quitté le refuge et qui sont maintenant en foyer jeunes travailleurs parce qu'ils ont la garantie jeune, ou ils ont trouvé des stages ou un emploi de pré-professionnalisation. Et ils ont déjà un pied et demi, on va dire, sur la bonne voie. Sur une voie qui les rend plus autonomes. Vous pouvez nous dire le numéro d'urgence ou on peut... Alors, le numéro d'urgence, c'est un numéro d'urgence qui est national, le 06 31 59 69 50. On le redira à la fin. Et Tristan va nous dire quelque chose. Ouais, je voulais rajouter, pour les jeunes qui sont hébergés au sein du refuge, qui sont au niveau de l'appartement, c'est pour dire qu'on a quand même un suivi, pas poussé, mais on est quand même encadré. Franchement, oui, on est bien encadré parce que on a le matin quand on se lève, on sait qu'on a un but, et on a une bénévole, enfin le service civique, une personne qui s'appelle Eloane. C'est vrai que je sais pas si elle écoute, mais que je la remercie parce que c'est quand même elle depuis le début qui me suit, qui m'aide dans les démarches et tout ça, du coup qui m'a donné le premier pas pour aller à la mission locale, qui m'a dit par rapport à la psychologue, qui m'a emmené au Resto du Cœur et puis à Croix-Rouge pour les aides alimentaires. Avec elle, et tous les matins en fait on a un petit planning, et imaginons le soir on a une visite ménage ou une visite surprise. C'est bien, on n'était pas tout seul. On est très très encadré, et au moins on se ressent, le refuge c'est comme une seconde famille, et pour moi c'est comme ça que je ressens, parce que vu que j'ai été rejeté de ma famille, pour moi c'est ma famille. Le message que tu veux passer, en fait, c'est à tous les jeunes qui se trouvent dans ta situation, surtout de ne pas rester seuls et isolés, et d'essayer de contacter le refuge pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls dans la rue. Même moi, au jour d'aujourd'hui, je fais partie d'être hébergé du refuge, et par la suite, je veux devenir bénévole au sein du refuge pour, comment dire, renvoyer l'ascenseur. Voilà, parce que on m'a aidé, je veux redonner ce qu'on m'a donné et donner ce que mon savoir et aux jeunes qui sont en difficulté. En est dans les autres, ça t'aidera toi. Voilà, c'est ça. Donc je redis le numéro, c'est le 06 31 59 69 50 et la ligne d'urgence, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout à fait. On va faire une pause et après on parlera livre avec Annette. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Revenu sur Fly FM avec l'émission Bric-à-Brac AID et l'association Le Refuge. Donc vous avez des 4 repas à gagner pour le break et 2 places à gagner pour le Théâtre du Sablier au mois de janvier. C'est le 18-19 même. Voilà, et je crois que... ah oui, là, le numéro, c'est le 04-90-40-16-90. Et maintenant, nous allons rejoindre Romain Sardou. Enfin, Alain. Avec Romain. Bonjour. Oui, alors, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas un roman tout récent, puisqu'il date de 2012, mais c'est de circonstance. Et Une seconde avant Noël, de Romain Sardou, aux éditions XO. Échappé d'un foyer pour orphelins particulièrement barbare, le petit Harold Guy doit survivre jour après jour au sein de la ville grisâtre de Coquelton. De corpulence menue pour son jeune âge, il s'essaye notamment au métier de ramoneur, mais sans succès. Alors que les mésaventures s'accumulent sur le chemin de sa courte vie, les esprits fabuleux, exilés de la Terre il y a bien longtemps, s'aperçoivent que la dernière petite flamme de merveilleux est sur le point de s'éteindre dans l'âme des hommes en ce milieu du 19e siècle. Réunis en comité sous la direction de la fée Flora, ils décident que le 25 décembre appartient aux enfants. Donc Noël doit servir à récompenser les bons et à rappeler aux méchants qu'ils doivent changer. Et ils chargent le génie Balbec de découvrir ou de créer une nouvelle figure folklorique, mais qui plaise à tous, qui puisse se reconnaître dans tous les coins de la Terre, un symbole personnifié qui incarne pour tous Noël et le beau temps de l'enfance. Et c'est Harold qui va être choisi pour cette première distribution de jouets. Alors, parviendra-t-il à tout livrer à temps? Si oui, un brillant avenir lui sera réservé. C'est le conte de Noël dans toute sa splendeur. Ah oui. Alors, c'est écrit un peu à la manière de Charles Dickens. Mmh. Olivier Twist. Oliver Twist, hein, David Copperfield. Mais c'est passionnant. Il faut dire que Romain Sardou a un joli style. Oui, ouais, oui, il est très, très élégant. Il est écrit dans différents styles, oui, dans différents genres. Donc, il y a eu des romans médiévaux, il y a aussi des romans policiers, il y a aussi un roman sur la conquête des États-Unis par les colons au XVIIIe siècle. C'est très intéressant. Ouais, c'est un très bon auteur. Mmh. Ah, petite Josie, qu'est-ce que tu nous... Alors, pour aller au cinéma, parce que s'il ne fait pas beau, vous avez toujours le temps, comme hier, par exemple. Mmh. Vous avez un film en ce moment qui est Demain tout commence, qui est le remake de la comédie mexicaine réalisée par Eugenio Derbez, qui s'appelait Ni repris ni échangé, qui a été tourné en 2013. Donc, c'est un film qui dure 1h58 et c'est un drame franco-britannique qui est sorti le 4 novembre au Festival d'Arras en film d'ouverture. Mais là, sur nos écrans à nous, il est depuis le 7 décembre 2016. C'est un film d'Hugo Gélin avec Omar Sy et Clémence Poésie Plus. Donc, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, cette dame. C'est la dame ou c'est la petite qui s'appelle comme ça? Je sais pas. Tu me poses ces questions. Bête. Bon, en fait, je sais pas là. Donc, cette histoire avec Omar Sy, c'est donc Samuel, qui est un jeune célibataire et qui vit sur la Côte d'Azur, qui passe ses journées à promener ses riches touristes, donc Clémentine Salarié, qui joue dans ce rôle, et qui passe ses nuits à organiser des soirées sur la plage, donc son sourire, son charisme. Il se retrouve souvent avec des jeunes et jolies vacancières dans sa cabine de son bateau le matin. Et un jour, il voit arriver une dame et qui lui dit, voilà, ça, je te présente, c'est ta fille qui s'appelle Gloria, et elle lui met dans les bras. Et puis elle part sur l'Angleterre et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et il est un peu dépourvu, parce que ça, il chamboule un peu son emploi du temps de tous les jours. Et il décide de partir, donc, d'aller la chercher à Londres. Et là, il tombe sur un compatriote qui est gay et producteur, et qui l'héberge, et qui lui trouve un boulot de cascadeur. Donc, après, il va donc faire ce travail, et puis il va créer des liens avec cette fille, cette petite fille, qui s'appelle Gloria. Et 8 ans plus tard, ben voilà que la mère, elle revient. Et elle lui dit, mais moi, ma fille, je la reveux. Et à ce moment-là, je pense qu'on ne s'attend pas du tout à la suite du film. Il va y avoir d'autres choses. Est-ce que c'est vraiment la mère? Je vous dirai. Et puis, comment ça va se finir, en sachant que c'est quand même un drame? Ah, c'est pas une comédie. C'est quelque chose qui... Mais ça finit bien. Enfin, ça finit bien. Ça finit en douceur, on va dire, un peu. Donc, voilà. Alors, Omar Sy joue un rôle. Bon, il est habitué aux enfants, parce que, vous savez, mesdames, qu'il est papa de 4 enfants à la ville. Ah. Que le titre, ça vient de... Le titre, tout commence au jour... Demain, tout commence. En fait, c'est le réalisateur, sa grand-mère, je crois, lui disait tous les jours, mais t'inquiète pas, mon fils, demain, tout commence. Donc, il y a une belle complicité avec la jeune actrice qui s'appelle, dans le film, Gloria Coston. Et... Ah, non. D'accord, donc, c'était pas... Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était une bêtise. Oui, voilà. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles dans ce film. On ressort, je pense qu'on est quand même bien. Ouais. Moi, j'ai vu des reportages, c'est vrai qu'elle a un aplomb, cette gamine. Elle est marrante. Hein. Bon, je crois qu'on voilà, fait une petite pause. Hein. À tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I want. Fly FM 89.9. Claudie, tu as des choses à nous dire? Oui, je voulais dire que la semaine dernière, avec Alain, on a allègrement confondu à Comont-sur-Durance, il y a des jardins qui ont été construits sur une villa romaine avec la chartreuse de Bonpas. Donc, je veux vous dire que c'est deux choses différentes. Donc, la chartreuse de Bonpas, elle est du 12e et 13e siècle et c'est un couvent fondé par le pape Jean XXII. À la frontière du Comtat-Benessin. C'est à Comont, les deux sont à Comont. Ah, il y a le jardin romain, enfin qui était sur la villa romaine, et qui a visité. Et après, il y a la chartreuse de Bonpas. Donc elle est située sur un lieu de passage, c'est pour ça que ça s'appelle Bonpas. D'accord. Et en plus, de l'ancien magasin à la salle de projection du nouveau magasin, en passant par la chapelle, le grand cellier et la salle de lecture, vous pouvez faire un circuit interactif, ce qu'on avait dit la semaine dernière, ludique et pédagogique, qui vous amènera à faire un voyage dans l'histoire. De cette fameuse chartreuse. Et grâce à une mise en scène vidéo, son et lumière, vous devez résoudre l'énigme de ce lieu. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et c'est à l'abri des grands pins parasols, la chartreuse entretient un magnifique jardin à la française. Je suis allée voir les photos sur Internet. Franchement, ça a l'air très, très, très joli. Et en plus, le parcours de visite est commenté en français, en anglais et en japonais. En japonais, ça nous intéresse beaucoup. Surtout ouais. Qu'apparemment, c'est la voie. Il paraît qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent apprendre le japonais. C'est marrant, ça. Donc, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et donc, vous pouvez téléphoner au 04 90 23 67 92. Et en plus, vous pouvez découvrir une large gamme de vins issus de la vallée du Rhône et de la Bourgogne, car il y a un caveau. Et exact. Vous pouvez faire une initiation. Il est bien approvisionné. Voilà. Et on peut faire une initiation à la dégustation. Exactement. Voilà. Ça dure 45 minutes. Et les visites, c'est du lundi au jeudi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est fermé le week-end. Ah, peut-être que... Bon, ça m'a choqué. J'ai cherché, j'ai trouvé fermeture hebdomadaire les samedis, dimanches et jours fériés. D'accord. Bah, tu sais quoi ? Dans la fabrication, si tu veux apprendre à fabriquer la tapenade. Ah oui, mais je l'ai fait, moi. Tu l'as fait ? Parce qu'on a Pturoptère de Sérignan que nous avions invité. Ah oui, tout à fait. Le 22, le 26, 29 à 14h30, sur réservation, il faut appeler au 04 90 30 33 20. C'est 5 euros pour les adultes et 3,50 euros pour les enfants de moins de 18 ans. Donc vous pouvez y aller sur réservation. Et vous allez apprendre la mouche de l'olivier, comment faire des boutures de rameaux avec d'olivier. Et aussi déguster les huiles et apprendre à fabriquer la tapenade. Et tout ça, c'est le... Alors le 22, le 26, le 29 à 14h30. C'est accessible à partir de 7 ans. C'est 3,50 € pour les enfants, 5 euros pour les adultes. Et ça dure 1h30 au 04 90 30 33 20. On mange la tapenade, on l'emmène, on fait quoi? Je sais pas, tu me poses toujours de ces... Mais par contre, vous la fabriquez, vous goûtez les huiles d'olive. Ouais, bon, donc c'est intéressant. Moi, je voulais vous dire, j'ai 5 minutes, oui, je peux. Le chemin des crèches, donc c'est à Pernes-les-Fontaines, du 5 décembre au 5 janvier. Le chemin des crèches vous guidera à la découverte des crèches et des traditions provençales en passant par la maison Fléchier, l'office de tourisme, la collégiale Notre-Dame de Nazareth et l'église des Valaillants. Des crèches visibles dans les lieux différents, maison Fléchier, tous les jours, après, sauf le mardi. Et l'office de tourisme, Notre-Dame de Nazareth, Notre-Dame des Valaillants. Alors bon, ben, renseignez-vous à l'office de tourisme parce que c'est un peu compliqué et je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. Et moi, juste, je finirai. J'ai trouvé que sur Aubignan, le jeudi 29 décembre, il y a un concert gospel. C'est une participation au chapeau au profit de l'association paroissiale, avec du vin chaud et autres boissons à la fin du concert. Et donc, ce concert gospel, c'est Joyfully. C'est le 29 décembre à 17h30 avec une entrée libre. Ah, ça, c'est bien. C'est voilà. Intéressant. C'est gratuit. C'est gratuit. On se fait une petite pause et après, on reviendra avec notre association Le Refuge pour récapituler voilà. Certaines choses. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Écoutez l'histoire, difficile à croire. Mais moi je suis bonne poire et je sais pas ce qui m'a pris. Mon pote qui débarque, tremblant et puis moite. Il me tend une boîte et me dit je t'en prie. Je voudrais que tu me la gardes. Camarade, dépose la peinarde, planqué à l'abri. Il repart en trombe, plus vite que son ombre. Déjà au loin gronde, sa caisse dans Paris. Par amitié, je veux bien te servir d'alibi. Dire à ta femme qu'on est sorti au tennis, faire genre que tu gagnes. À la rigueur, je peux même te prêter des thunes ou une petite laine si t'as un rhume. A PES, je te laisse l'Espagne. Je me battrai s'il faut se battre. Oui, mais quoi faire avec cette boîte? Des bandes adhésives, fermer la missive. Seule alternative, pour voir ce qu'elle contient. Secouer le paquet, les oreilles aux aguets. L'emballage qui craque, mais à part ça rien. C'est donc pas un vase mine, ça aurait fait bling bling. C'est peut-être un kidnapping, un doigt ou une main. Mais pour la charcute, mon pote ça se discute. Bosse à la matmute, du coup j'y crois moins. Par amitié, je veux bien te servir d'alibi. Dire à ta femme qu'on est sorti au tennis, faire genre que tu gagnes. Je peux même te prêter des thunes ou une petite laine si t'as un rhume. A PES, je te laisse l'Espagne. Je me battrai s'il faut se battre. Oui, mais quoi faire avec cette boîte? J'en ai fait des rêves glauques, des montagnes de coke. Un type à la voix rauque, accent sicilien. Me plonger dans l'acide, j'ai pensé au suicide. Jusqu'à ce que tu décides à venir un matin. Reprendre ta boîte, question délicate. Je t'ai dit que j'ai hâte, savoir ce qu'elle contient. Quand tu m'as répondu, je t'ai rendu tondu. Bien sûr on a convenu que je ne dirais rien. Amitié, je veux bien te servir d'alibi. Dire à ta femme qu'on est sorti au tennis, faire genre que tu gagnes. À la rigueur, je peux même te prêter des thunes ou une petite laine si t'as un rhume. A PES, je te laisse l'Espagne. Je me battrai s'il faut se battre pour taire ce qu'il y avait dans cette boîte. Pour taire ce qu'il y avait dans cette boîte. Nous voilà revenus sur Fly FM avec l'émission Bric-à-Brac-à-Idée et Le Refuge. Donc Bruno, tu voulais nous parler d'un livre. Allez, je te dis tu parce que je te tue, toi. Plusieurs choses, en fait. Dans l'association Le Refuge, il y a plein de choses qui... les gens peuvent se documenter et apprendre beaucoup de choses. Le premier, c'est un livre fait par le directeur général, Frédéric Gall, qui s'appelle « Le travail social auprès des victimes d'homophobie ». Donc il est en vente dans toutes les antennes du refuge, c'est ça Bruno ? Tout à fait. Et il y a également un documentaire fait par un film plus exactement, fait par Sonia Roland. Donc voilà aussi... La Miss France. Donc un documentaire qui reprend à peu près, qui retrace tout ce que vous vivez, quoi. Et qui présente les objectifs. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire le numéro d'appel d'urgence ? Alors, le 06-31-59-69. Voilà. 50. Et qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on est obligé de se quitter. Oui, on a eu un appel, donc on a... une personne qui a appelé pour le repas. Donc voilà, vous avez deux repas qui ont été gagnés. D'accord. Il en reste encore deux, vous pouvez nous contacter jusqu'à 11h. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je voudrais juste dire que pensez à toutes les personnes qui sont autour de vous parce que vous avez les fêtes de Noël et qu'il y a pas mal de gens qui sont seuls. Je vous rappelle que la rediffusion se fait vendredi à partir de 14h, que nous recevons mercredi 28, voilà, nous sommes encore présents le mercredi 28 décembre et nous recevrons Monsieur Luigi qui a fait un livre sur son père, épisode oublié de la guerre 39-45. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vos invités. Merci à vous. Merci. À bientôt. Et bye bye. Au revoir. Au revoir tout le monde. À mercredi prochain.